Il est neuf ton smartphone ? Oui, c'est un cadeau. Tu as de la chance. Il est beau. Et il est facile à utiliser. La connexion Internet est rapide.